Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. C'est 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul. Et Radio Sans Frontières. Good evening, you are listening to KFAI 93 Fresh Air Community Radio 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 in St. Paul. Radio Without Boundary, and you're listening to Bonjour Minnesota. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Karine. Bonsoir Dena. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir moi-même. Oui. Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Ah, c'est bien, oui. Oui. Ça a été. Il faisait si beau. Vous avez profité du week-end? Oui, du soleil. Ah oui? Oui. J'étais à côté d'un lac. Je suis allé dans le Wisconsin. Ah bon? Ah ouais. Oui. Une amie qui habite là-bas. Ça fait de la pêche? Well, on avait une canne à pêche, mais on ne peut pas dire qu'on est vraiment pêché. Ah. It was mostly for show. C'était juste pour décorer. Mais c'était à côté de Shell Lake. Donc, c'était environ à 2 heures de route des Twin Cities. Mm-hmm. C'est pas mal. Et c'était chouette. On a oui, passé un moment. Wisconsin, c'est bien joli comme état. Et puis, elle déménage à Toulouse. Alors, du coup, bah, ça, Wisconsin, ça fait moins loin que Toulouse. Oui. C'est vrai. Oui, j'y étais une fois, à Toulouse. La ville en rose, c'est ça? Oui, parce que tous les toits sont en tuiles rouges ou roses, si on veut. C'est chouette, il fait toujours beau là-bas. Je suis jamais allée. Ah, je crois que j'y suis allée un week-end, mais je n'ai pas vraiment profité de... Il faut y aller pour manger du cassoulet. Ah oui, le cassoulet, c'est bon, avec les faillots. Je pense tout de suite à Henri de Toulouse-Lautrec et Hervé Villechaise de Fantasy Island. Il était aussi de Toulouse, de l'émission des années 70. I don't remember. Her. Tu connais pas cette émission américaine? Si. Je crois. Série. Si, il faut que je trouve comment ça s'appelait en français. Fantasy Island. C'est pas le bateau s'amuse. Non, c'est pas la croisière. C'est juste après. Ouais, c'est pas la croisière s'amuse. C'était transmis en anglais ou en français? Non, en français. Toutes les émissions en France sont toujours en français. Oui. Et. It's dubbed. Dubbed. Yeah, systematically. Mm-hmm. Il y a que quelques films parfois qui sont en anglais avec les sous-titres. Oui. Mais en général, c'est toujours en français. Mais avec les voix différentes, pas narration, une seule voix. Non, chaque. Je sais pas. Ça existe en Pologne. Ah bon? Wow. Il n'y avait pas de femmes qui. Non, il n'y avait qu'un seul homme qui faisait la narration. Pour toutes les voix. Les petits-enfants. Oui. Les petits-enfants et les grands-mères. Il disait. Non, c'est des acteurs qui sont payés justement pour faire la doublure et en général, ils sont payés. Bien. It's a real job, mais c'est un vrai travail. C'est vrai. L'acteur. Ça pourrait être drôle, passer des petites. Morceaux, des extraits, des séries des années précédentes pour dire aux gens qu'est-ce que c'est cette émission. Ok. Ben, vous êtes allé voir la mort de Louis XIV? Fred? Oui, j'y suis allé dimanche. Ah. Et il faisait super beau, donc en fait, la plupart des gens étaient dehors, mais c'était... C'était très bien, moi j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. C'était chouette, très intéressant et puis bien mieux que la Traviata. On sait qu'ils meurent tous les deux à la fin, mais c'était intéressant de voir la cour du roi et ce qu'il faisait et quand il y avait la fête. Et, bien qu'il ne soit pas bien, il était à côté. Enfin, c'était. Donc, tu as écouté le metteur en scène? Non, il est venu que le vendredi soir. Que le vendredi, oui. Mm-hmm. Comment il s'appelle? Albert Serra. Ah, Serra, oui, il est catalan. Et il est venu que le vendredi soir et dimanche, il n'était pas là. On va commencer avec de la musique. On a fait un choix de RFI, de musique autour de

d'un seul coup ont appris de vie. Mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco, je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. We heard some great songs tonight, all about American songs and a French view of different cities and states. The first one was Patrick Fiore, and oh no, that's my other list. Let's see. That was Claude Nougaro, yep. A well-known singer singing Nouga York. his own view on New York. And then Maxime Leforestier a chanté San Francisco, which en français ou en anglais, am I speaking? Sometimes I don't English know. English is good. English is good. Okay. Maxime Leforestier sang about San Francisco, which has a lot of attraction for the French as well as the other nationalities. And it was in the 80s, so like it was in the late late 70s, early 80s, so it was still like the hippie attraction, and, you know, the Baba Cool, as they were being called. And then we heard Nicolas Pirac, So Far Away from L.A., followed by Isabelle Adjani with Ohio. Grande actrice. Hmm? Grande actrice. Je crois que c'est la seule chanson qu'elle est faite qui a eu un peu de succès. I've never heard her sing before. Oh, c'est pas une mauvaise chose. Je crois que... I thought it was okay. Oui, enfin, c'est très 80s. I never thought too much of Ohio, because all I have seen is... I'm in a mental state close to Ohio. It sounds bad. Well, I'm sorry, I... And when she was by Massachusetts, close to her chaussettes, Massachusetts and chaussette rhyme. Chaussette is Massachusetts, socks. Massachusetts, chaussette. Yeah. Those were the, yeah. Yeah, that rhymes. I mean, it's socks in French, so I mean, I think it was a... We can do the tongue twister now with chaussettes. Avec les chaussettes. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches? Très bien. Okay, Carol? Combien sont ces chaussons ici? Ces chaussons ici sont 600 sous. Madame Sans Souci. Moi. Bien. Okay, très let's have an announcement. We'll be right back. You need us, and we need you. Take the first step in becoming a KFAI volunteer by registering at kfai.org/volunteer. Sign up for our new volunteer orientation hosted on the first Thursday of every month at 6:30 p.m. and find your on- or off-air role today. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. Ok, maintenant on va écouter deux autres chansons. J'ai rêvé de New York de Yves Simon et la chanson qui s'appelle L'Amérique de Joe Dassin. D'accord, oh oui, c'est bien. Yeah. Roland Cadillac, Roland Buick. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sunset. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sunset. Monsieur Lister Young, si une bombe atomique tombait sur New York, que feriez-vous? Je briserai la vitrine de chez Tiffany et je piquerai tous les bijoux. Monsieur Grégory Corso, qu'est-ce que la puissance? Rester debout au coin d'une rue et n'attendre personne. Bonjour Monsieur Hendrix, je suis du New York Times. Salut! Moi je suis de la planète Mars. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City

charrue passe dans le ciel. Et je descends lentement l'escalier rouge et blanc de l'avion qui m'emporte chaque nuit en Californie. En Californie. In California, est-ce la monnaie du soleil, le jaune des taxis ou celui des hommes qui s'éparpillent dans la nuit, où s'éparpillent la vie en Californie, en Californie. California. Un moteur gris dans le brouillard, le pousse au fond de nulle part entre les anges dans le soir. Les peintes de lait tout en or se stérilisent dans les bars en Californie. En Californie. À mon réveil, où étais-tu? Il ventait fort dans mes oreilles. J'achèterai un camion blanc qui nous emportera au printemps en Californie. En Californie. En Californie. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York USA. Empire State Building, Rockefeller Center, International Building, Waldorf Astoria, Pan American Building, Bank of Manhattan. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York USA. Diamond Life Building, c'est haut. Americana Hotel, OCO. CBS Building, OCO. RCA Building, OCO. First National City Bank, OCO. This very interesting record is a French artist singing about America. American states and monuments and so on. That one was Serge Gainsbourg. Gainsbourg. It wasn't his real name. I think he took it maybe because it sounded better. The first one we heard was Joe Dassin with L'Amérique, a great song. Mm-hmm. Joe Dassin was the son of Jules Dassin, the one who did Never on Sunday, the film director. Rififi. Hmm? There was a French movie called Rififi. Oh, Rififi, yeah. Mm-hmm. Like a gangster movie, yes, you know, gangsters. They were doing a heist. Somebody was doing a heist, that's right. Lucien Ginsberg. Ça, c'est Serge Gainsbourg, sorry. Well, I don't think you could be a very good singer if your name is Lucien. I don't know. I don't know. Perhaps. Maybe he liked Serge better than Lucien. Yes. That's one of the good things. Joe Dassin's dad was blacklisted from Hollywood. Yes, he was. Oh, during the McCarthy era? Yeah, so that's why they... Was. I mean, that's why he spent some time in France. Mm-hmm. And Joe Dassin, I mean, did all of his career singing in France. I mean, it was... Aux Champs-Élysées, yeah, is one of his Amérique, most famous. Aux Champs-Élysées, that's it. Yeah, he was really famous. He was, and I think he passed away very young, didn't he? Yeah. Mm-hmm. Too young. Well, on the next one, we heard Robert Charlebois and Louise singing California, and which is a great draw to all tourists. But I think the French especially like California. At least the ones that I went to California with some French friends at a time, stopping at Las Vegas, and that was funny. Joe Dassin died in August 20, 1980. He was 41 years old. Oh, 41. Dear. In Tahiti, Papeete. Oh, in Tahiti. That's not really a place to, I mean. Wonderful town. If you're going to die. Yeah. This crappier. Ohio. Yeah. I didn't give any names. Well, Ohio must have its beautiful. It does. It has spots. Valley. It's right on one of the Great Lakes. And yeah. Cuyahoga, the River Valley. It can be really beautiful. I've been there. I have. I've only seen the agricultural part. Mm-hmm. I was close to Cleveland for like a month when I was 10. You were. Yeah, quite my young. Aunt was living there, so we went to visit, really? And I was 10. I remember SeaWorld. I remember Cleveland. It was interesting. Yes, it was. And a very important state politically. Yeah, it's one of the swing states. Yes, it is. What song was it before the last one, before Gainsbourg? California. California. De Robert Charlebois. Okay. And the last one was Serge Gainsbourg with New York, USA. We'll be right back after these announcements. By the St. Paul Saints, celebrating 25 seasons of fun all summer long at CHS Field. Tickets and information available online at saintsbaseball.com. Programming is supported by Ampers and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at ampers.org. Ampers features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at ampers.org. Ampers, diverse radio for Minnesota's communities. What's next? Oh, alors, on va écouter L'Arizona de Benjamin Biolay avec Chiara Mastroianni, Les rêves américains de Marc Lavoine, et encore une autre Une troisième. Manhattan Kaboul avec Axel Red. Ok, on y va. Connaissez-vous la marche à suivre? Les les années qu'il vous reste à vivre. Avez-vous relu le grand livre? Vous attendons sur l'autre rive. Ça ressemble à la résonance. Je fais des rêves américains, dans un hôtel, un écrivain. Sur les murs de la longue ville, les traces de Buffalo Bill. Je fais des rêves américains, je me sens seul, je me sens bien. Et dans la nuit américaine, Marilyn coule dans mes veines. Je fais des rêves américains. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. What did we just hear? We just heard that one was what? Les rêves américains? Oui. Par qui chantait ça? Oh, get lots of them here. Marc Lavoine. Marc Lavoine a chanté Les Rêves Américains, or The American Dreams. Yes, that's right. The American Dreams, plural. Mm-hmm. And then we heard, did we announce Benjamin Biolay and Chiara? Not in English. Anna? Huh? No, we didn't announce it in English. Oh, okay. That was a nice one, too. She's the daughter of the famous actor, Mastroianni. What was his name? Serge? Marcello? Marcello. Marcello. Marcello. Marcello. my Italian accent. Umo, italiano. My Italian accent is not up to speed. Non parlo italiano molto bene. No, no, no. Che ore? Che ore? Che ore? We just try to beat them at soccer. Dove si trova il museo? Che piatti tipici della regione? There's a lot of collaboration between French artists and Italian artists, too. Yes. There are. What other great songs can you think of? Well, in French or in English? Collaborations between... Oh, collaborations. Well, what I was thinking about, like, more recently, Carla Bruni has... Some in Italian, because she's partly Italian. Oh, right. Ciao, ciao, bambino. Yep. We should play some of those. Did we back announce all the songs? No, we haven't finished all these that we played. After we announced Marc Lavoine with American Dreams, there was one called Manhattan Kabul. I don't think we played this one. We haven't played it yet. Marc Lavoine, Les Rêves Américains, c'était la dernière chanson qu'on a jouée. Avant ça, on a eu l'Arizona.

mais le faux vent baume ton temps. La Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et la vie. La Californie, la Californie, la Californie, la Californie. Près des orangers, c'est là que t'attends. Au fond de tes rêves, ton prince charmant. J'ai bien aimé cette chanson. Moi aussi, j'aime bien Julien Clerc. Ben, pour commencer avec, to start with the ones that we haven't announced yet, it was, wasn't it Robert Charles Bois-Louis with Californie, California? Non, c'était, là, on vient juste d'entendre Julien Clerc avec la Californie. Oh, yes. Mm-hmm. And then before that was the, Renault. Renault. Avec Manhattan Kaboul. Voilà. Oh. C'était Renault et Axel Red. Ah. Axel Red qui est belge. Très funky. We don't discriminate here. Non. On aime bien tous les francophones. Mm-hmm. Les Belges, les Suisses. Gros bisous à Alchimie. Voilà. Et il est... Il est 9h à la bonne heure. Vous écoutez KFAI 90.3 à Minneapolis et 106.7 à Saint-Paul. KFAI Radio Sans Frontières et l'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. You're listening to Bonjour Minnesota here on KFAI 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul. Radio without frontiers or boundaries either. All right. This is Bonjour Minnesota. I'm Carol. I'm Dana. I'm Fred. I'm Olaf. And we hope to bring you some more great music here. Mm-hmm. Il est 21h à Paris. Non, non. Non, non. 21h ici. Il est 4h du matin à Paris. Et Olaf, Comment ça va ce soir? Oh, très bien. Oui. Bon, voilà, est-ce qu'on peut jouer une chanson d'Arletty? Bien sûr. Par exemple, voilà, pourquoi ne vous passez pas la première ou la deuxième, et puis, ou les deux, et puis après, j'ai quand même quelque chose à... Il y a des... Mais pourquoi Arletty? Pourquoi Arletty aujourd'hui? Arletty, bon, d'abord, elle était une actrice extraordinaire, mm-hmm. et très bien connue en France. Son grand succès était Les Enfants du Paradis, avec... Le film, oh, ça c'est un classique. Oui, donc c'est absolument... Il faut le dire, oui. Où c'est le paradis? Pardon? Où c'est le paradis? C'est le nom du film? Dans le film. Qui est là-dedans? Non. C'est autre. Tout en haut dans le Ah oui, c'est dans cinéma. les théâtres. Les places moins chères. Quand on était étudiant, c'était à la France, à la Comédie Française, c'était moins qu'un franc dans le temps. Donc c'était les gens, le public qui était tout en haut et le plus, avec les places les moins chères et aussi les, du coup le public était le plus populaire. Oui, bien sûr. Et puis moi comme étudiant j'étais là-haut et j'ai vu que j'ai vu seulement les crânes des acteurs. Donc le film Les Enfants du Paradis sont à propos justement de la vie de théâtre. Oui. Et puis il y a dans Les Enfants du Paradis, il y a une ligne qui est très connue justement, où il y a un des acteurs, je ne me rappelle plus qui c'est, mais qui lui dit qu'il a il parle à Arletty en lui disant qu'il a besoin de changer d'air. Et c'est là qu'elle lui dit il a besoin de changer d'air et d'atmosphère. Et c'est là qu'elle lui répond, atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Il y va. Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. De toujours manger de la vache enragée, moi j'en ai marre. Se dire que ma peine, je la traîne fourbu, jusqu'à ce que je crève sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre. N'avoir pour croque-nous que ceux qui prennent de l'eau, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. En fait de tendresse, de caresse, je n'ai rien que celle que si bonne me donne mon chien. Recevoir des beignes sans que personne me plaigne, moi j'en ai marre. Voir quand on m'approche que les gens me trouvent moche, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. Pour deux ronds, ça sent bon. Ça vous monte pas la tête, c'est bien honnête. L'amour, c'est bête, comme ces petits bouquets ronds. C'est jamais qu'une amourette, dessous de violette. Y en a qui se paient des azalées, des lys, des orchidées, des fleurs toutes arabiscotées, qui ne sentent rien du tout. Moi, les fleurs que j'ai toujours aimées sont celles qu'on achète dessous. Dessous de violette, pour deux ronds, ça sent bon. Ça vous monte pas la tête, c'est bien honnête. L'amour, c'est bête, comme ces petits bouquets ronds. C'est jamais qu'une amourette, dessous de violette. ces petits bouquets ronds. C'est jamais qu'une amourette de sous-violette. Je vais donner mon histoire. Ouais. Donc, peut-être vous demandez pourquoi on a chanté passé les deux chansons de Arletty. Bon, elle était très connue en France. La première chanson, J'en ai marre, c'était vraiment, là, c'était son tempérament, vraiment. on sentait l'accent parisien. Ouais. La deuxième était plus douce. Donc ça fait très bien. Pourquoi Arletty? Bon, on n'a pas trouvé mieux que trouver qu'elle avait son anniversaire hier. Elle est née le 15 mai en 1898. Donc elle est morte à Paris en 1992. Donc elle avait quand même une bonne nombre d'années sur le dos. Elle avait toujours des réponses, comme quand moi j'ai marre. Et justement, beaucoup de réparties. Ouais. Après la guerre, elle était incarcérée pendant un certain temps parce que on disait qu'elle faisait la collaboration horizontale. Et elle était amoureuse d'un Allemand de la Luftwaffe. Et puis donc, on n'a pas pu la tenir très longtemps. Mais donc, quand elle était questionnée par la FFI, FFI c'est la France, Force Française Intérieure, qui était vraiment, c'était pas seulement un groupe de résistance, c'était vraiment une armée sous vraiment le commando de général Koenig. De toute façon, on lui a demandé, mais pourquoi vous avez eu cette affaire avec un Allemand? Elle leur a dit, mais si vous ne voulez pas qu'on ait des affaires avec des Allemands, il fallait pas les faire laisser rentrer. Donc, après, on a continué à lui faire des remarques. Finalement, elle a dit, mon cœur est français, mais mon cul est international. Et là, je crois, il s'était bien content de s'en débarrasser. Il y a des chances. Oui. Et en principe, il y a une biographie qui est sortie en 2016 qui a comme titre la première partie, Mon cœur est français. Ils n'ont pas mis la deuxième partie. Ils n'ont pas mis la deuxième partie. Mais c'est pour ça qu'on a joué seulement pour vous faire amuser un petit peu. Et là, on peut peut-être prendre la dernière de ces... chanson Mon âme. Let's play in English. Just explain in English. Okay, well, Arletty. Yes, Arletty was one of the most famous French artists, both on screen, and theater, and chanson. And she was born in 1898, and on May 15th. So this is why that was yesterday. So that's why we are. Celebrating her, yeah, in one way. Although, I mean, she was born 1898, so this would be the 119th birthday, so that's not really that one does. But the story that came out was so nice that I thought we wouldn't wait till a full round year next year, which would be 120. So you were getting it right away. And she was actually detained by the French interior forces, the French Armée de l'Intérieur, after the war, because she had had an affair with the German Luftwaffe officer.

Even Barbara Streisand, when she played the role of Fanny Brice, she sang that one. It says, the song originated in France, but it was a hit in 1916 by Miss Dinguette. Yep. Oh, okay. Yeah. So, hang on, let's just have another song and we'll be right back. Tu repars vers tes galères, mais cette fois ça sera sans moi. Sur la route 66, personne ne t'attend là-bas. Une musique bar désertique, avec des fantômes que tu ne vois pas, coupe légendaire, croisée des mystères, mais maintenant sans rien, dans l'oubli. Sa mère dansait dans les bars, imitant Ginardo. Son père lançait des poignards au cirque à Buffalo. Puis un jour on lui a dit go west et il a pédalé. De New York à Los Angeles sur un vélo volé. Alors qu'il a usé ses coudes à frotter les comptoirs. Avec une années, près d'Hollywood, qui perdait la mémoire. Le long de Sunset Boulevard, bras dessus, bras dessous. Ils perdaient leur dernier dollar dans les machines à sous. Un jour Benjamin Chancard, le cousin ou le frère du type qui joue du sitar à la cour d'Angleterre, a gagné au dé le droit d'être un ancien amant. Ils sont allés vivre à trois dans son appartement. Il a ramené des voyageurs, des collégiens timides, qui pouvaient faire de dollars l'heure quelques polaroïdes. Ces deux amants dans la cuisine pour ne pas qu'ils regardent. En deux mois, ils jouaient tout Gershwin sur les verres à moutarde. Ils ont fait du musical déguisé à main d'eau. Elle dansait ton baby doll sur Rhapsody in Blue. Elle a fini sur le capot d'une Dodge Cadillac. Il a ramassé son chapeau et l'autre a pris son sac. Puis ils ont continué leur vie d'un doux errant. Et puis il est retourné vivre chez ses parents. Sa mère devenait trop laide pour jouer Jean Harlow. Son père avait tué son aide au cirque à Buffalo. Us, and we need you. Take the first step in becoming a KFAI volunteer by registering at kfai.org/volunteer. Sign up for a new volunteer orientation hosted on the first Thursday of every month at 6:30 p.m. and find your on or off-air role today. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. All right, we heard some great songs. Was that really Yves Montand singing it didn't Hollywood? Sound like him. Yeah. We heard, first of all, Eddie Mitchell. Mm-hmm. And that isn't his real name. You know a lot about Eddie Mitchell, Lotloff. Mm-hmm. He's, you don't? No, I thought you did. No, I've no. never seen any of his films or heard him, but he is a longtime popular singer and He didn't play in a lot of movies, I think, like maybe a little bit later in life. At first, he was part of a band in the 60s called Les Chaussettes Noires. Mm-hmm. That was like kind they of... They sing Black is Black, I think. Noir c'est noir. Wow. Non, ça c'était Johnny, je crois. Oh, ouais, no. C'était Johnny. The Black Sox, yeah. Claude Moine is his name. Claude Moine, his stage name, Eddie Mitchell. Et la chanson, c'était sur la route 66. Uh-huh. On the road 66. Mm-hmm. And then after that, we had that French cowboy music. Well, I have that down as Zachary Richard. No, that will be the next song we'll play. Oh, okay. Oh, that was Yves Montand. Yves la chanson, c'était Hollywood. Hollywood. Hollywood. C'est bien. Très cowboy. J'essaierai de regarder si c'est une chanson d'origine américaine qui a été changée en français avec les paroles différentes. I'll look up if it was an original. Le rythme est totalement cowboy. It sounded like a Johnny McCoy song with the harmonica and... Mais c'est vraiment le mode. Il y avait les Français qui adorent le country, Shania Twain, tout ça. Une fois, je n'avais pas d'argent et je rentrais, j'ai fait l'autostop de l'Espagne à Paris. Wow. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. J'ai des histoires. Mais c'est une histoire, un camionneur qui nous a aidés, moi et une copine, rentrer à Paris. Il avait dans son camion tout, du pressing, son ensemble en jean avec ses bottes cowboy bien chiffonnées. Incroyable. Like, so I had to hitchhike back from Spain one time to Paris because I ran out of money in my early 20s. And this truck driver, who was a French guy from the south of France, he had a denim outfit, a cowboy outfit with the rhinestones on the collar and the cowboy boots that were impeccable. Yeah. Completely beautiful, polished boots. Yeah. That's a style. Eddie Mitchell was very, very much, and especially after the 60s, very much into that, you know, not necessarily cowboy music, but very much into like the American dream and, you know, kind of country and cowboys and very rock and roll. Yeah, no, it was very popular, at one time. And Johnny Holiday. Yeah, he's been making his career out of that. Yeah, exactly. It's sort of like they dream of California and Route 66, and then we dream of le vendange and the La wineries and driving a nice car down a country road in France. Well, what's the last song in the selection? Eh ben, ça c'est bien. Ça c'est Zachary Richard, Ma Louisiane. On y va. Oublie pas qu'on est qu'à j'aime chaque garçon, mes chers petites filles. On était en Louisiane avant les Américains. Après ils sont partis, papa et ta maman te cherchent de l'Acadie pour le grand crème des cajets. Ils ont trouvé un beau pays, mais c'est bon Dieu pour la Louisiane. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bel en printemps, c'est chaud en été, c'est près en automne, c'est trop en hiver, mais moi je suis bien des cajets. Chers enfants, les manières du vieux temps passé. Le ciel et la terre, on va pouvoir nous montrer que les paroles des vieux cajens. La Louisiane, ma Louisiane, c'est belle au printemps, c'est chaud en été. C'est près en automne, c'est trop en hiver, mais moi je suis fier d'être cajens. La Louisiane, ma Louisiane, c'est belle au printemps, c'est chaud en été. C'est près en automne, c'est trop en hiver, mais moi je suis fier d'être cajens. La Louisiane, ma Louisiane, c'est belle au printemps, c'est chaud en été. Prenotons, trompe en hiver, mais moi je suis bien d'être gardien. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bel en printemps, c'est chaud en été. Prenotons, trompe en hiver, mais moi je suis bien d'être gardien. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bel en printemps, c'est chaud en été. Prenotons, trompe en hiver, mais moi je suis bien d'être gardien. Moi je suis bien d'être gardien. J'ai une abeille, j'ai une abeille, j'ai une abeille, j'ai une abeille, j'ai une abeille, j'ai une abeille, j'ai une abeille, j'ai une abeille, j'ai une abeille, right. C'était bien la musique cajun. Mm-hmm. Cajun qui vient de Acadien, la région du Canada où les Cajuns sont originaires. Les protestants ont été virés par les Anglais. Chassés par les Anglais, oui. Oui, ils ont été... soit il fallait qu'ils pledge, il fallait qu'ils promettent la loyauté au roi d'Angleterre, et en plus, ils se faisaient voler la terre et ça... Et puisque Napoléon n'a pas vendu la Louisiane encore... Mm-hmm. Ils sont allés en Louisiane. Ils sont allés là-bas, en Louisiane. Mm-hmm. Des Français qui, chouette. En général, venaient du Nord. Oui. Sinon, on peut parler des événements de l'Alliance française qui vont venir cette semaine. Jeudi qui vient, le 5... Le 18, maybe I should say it in English. Yeah. Yes. Yeah. So this week, with the Alliance Française, there's the Jeune Cadre Dynamique Happy Hour at Coup d'État. It's Thursday, the 18th, between 5:30 and 7:30. Coup d'État is in uptown. And come and join them, and more on their website. Also, last week, we announced Lecture Facile, or the Easy Reading avec la belle histoire de Luc Le Lièvre, but he was postponed. So now it's rescheduled for the 20th from 2:30 to 3:30 at the Alliance Française. Le club est ouvert à tous. And Saturday, on the 20th as well, but between 4:30 and 6:30, there's Les Jeunes, Picnic et Outdoor Games. Les Jeunes, it's more like the teenagers. Mm-hmm. So they were planning to go to Gold Medal Park and do some pétanque and play some French game like Le Béret and have some snack. I don't know if you guys know Le Béret. This is probably an equivalent here. It's what like is it? You have two teams line up and in the middle you have another line and you have a beret. The beret is in the middle and basically you send two people. And they have one hand behind their back, and they need to steal the beret and get it safely back behind their line. Oh. If they steal the beret, but they get tagged by the opposite team, they lose it. And so that's a game like that. And sometimes you can send more than one person from the same team. And so it's a fun game. I mean, that's typically what we play in elementary school or in camps. Or what's it called? Beret? Le beret. Oh. C'est simple. C'est bien, c'est quel jour pour les jeunes? Samedi. Samedi 20, Saturday the 20th, from 4:30 to 6:30. It's supposed to be at Gold Medal Park, but based on the weather, they might move the event indoor and maybe do some other things, maybe some board games or things like that. So I strongly recommend that you go to the Alliance Française website, www.afmsp.org. And check the event page. So this way, if they move it indoor, you'll know. I think I might try to go with Eric. What other exciting events are taking place at the Alliance? I think that's about it. I mean, they have like a Friday movie, but it's not this Friday. It's the Friday after. It's the 26th. It's La Prochaine Fois, Je Viserai Le Cœur. That's the name of the movie. Next time, I'll shoot for the heart. That's a good idea. Yeah. And... I see it's Guillaume Canet who's on it. I don't know if he's the movie maker or just the actor. Guillaume Canet was playing in a movie called... I mean, the first time I saw him, he was in a movie called The Beach with Leonardo DiCaprio. And avec l'accent français, on ne sait jamais si c'est la plage ou une emmerdeuse. Si. Oh non, ça c'est okay. Avec l'accent. Et pardon? De prononcer en anglais. Beach, E. And the other one is E. I have some trouble sometimes. There are a couple of words like beach and sheet that, from a pronunciation standpoint, I think it's better to understand the context. Because I only use the nice one. On va prendre un petit détour de la musique. Pourquoi pas une annonce? We'll be right back.

France and Marseille like 4 years ago to live in Minneapolis, Minnesota, which is nice. So we'll be happy to hear more about his experience and what he's doing. I mean, what kind of music he's doing. Seems mm-hmm. like it's black metal. And what it's like to be a Marseillais in Minneapolis. Here in Minneapolis. And work here, too. I mean, like in the music industry. So we know some Marseillais who work here. But like Patrick Atanalian, our friend from the Sanctuary, he's from Marseille. But because he's in the restaurant industry, you know, it might be a different experience. Completely. Let's go back and have some music. Mm-hmm. We have some Vox Angeli with Tout le monde y pense.

qu'un canal s'est perdu avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Well, we should back announce some of the songs we heard first. Like the last four songs, we just finished listening to Le Plat Pays de Jacques Brel. The Flat Country. The Flat Country, where it talks about his homeland of Belgium. Which is very flat. Very flat, and he's kind of depressed, so depressed that one of the canals hanged itself. I mean, it's an image because the canals really don't hang themselves. Yeah. But that's the feeling he got. I believe, wasn't he Neerlandais speaking? He spoke, but his heart Flemish. Was on. He speaks Flemish. He's Flemish. It was his first language. He speaks it, but he is. And there's totally, been accepted disagreement French between culture. The two language groups, the French and the Belgian Flemish. Yeah, but I mean, Jacques Brel was very popular in France and is one of the most famous. Yeah, exactly. And French-speaking singer. And before that, we heard Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, which is another one that's pretty famous, pretty intense when he when he sings it on stage. And did you see him ever? No, I was not. You were I too think he little, I suppose. Well, I think he passed away when I was like around 10-ish, something like that. Oh, really? I'll double check, but I think he passed away like in the late 70s, early 80s. And then he spent most of his time in the Marquise Island. The islands. Oh, yeah. Is it Barca? But yeah, I was too young, so I never. I mean, I saw like videos and things. You know, I mean, it's still very popular, but never see him on stage. And before that, we heard Vox Angeli avec Tout le monde y pense. Everybody thinks about it. Not sure what she means. Children's. I didn't really know what they were talking about there either, but it's a children's group. And after they reach a certain age, their voices change, so they have to get a new bunch of children in to sing. Yeah, that's true. But that means Voice of the Angels. Nice. Books on G. And then number one, Frédéric, that was... Before that, we heard Patrick Fiori avec la chanson Marseille, qui est... it's his hometown, so he was very proud about it and singing about it. Well, we have just a couple minutes left, and I wanted to make sure that we had made an announcement on May 13th, 2016, Minneapolis City Council passed a resolution naming May 18th Haitian Flag Day. And that's Haitian Flag Day pretty much everywhere in the world as well. But we celebrate it here and recognize it. So we want to let people know that the Haitian community of Minnesota will invite you to celebrate Haitian Flag Day in Minneapolis at Thursday, the 18th, between 9 a.m. and 8 p.m. at 2738 17th Avenue South in Minneapolis. If you bring something to share, it's going to be a potluck, and it's time for you to stop by to celebrate the connections and honor Haiti. So our friend Rose has been very pivotal in making this happen. Nice. Very, yep. Be fun to watch the dancers if they have them. I wouldn't be surprised if they do. I know that when we had Barbara Pierre-Louis on the show recently, she was telling us how they're putting together the Haitian Community Center. So it's really growing. So can we ask them about voodoo and maybe if there are people we don't like how to make dolls and yes and things like that. I'm sure that we can. Yeah. Very, I'm not very crafty, so I would need help on making dolls. But I know how to do that, Fred. I can talk to you about it after the show. I know some witchcraft, okay? Anyway. Cool. We'll talk about that later. But if you want to, Haitian Celebration Thursday. We have a big community here, so... Nice. Show support. And let's leave with the song Véronique Sanson with... Paranoia. This is what we have. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.